Senda Colombani. La vie est comme un permanent baninga. Salamo salapole salibotana yo. Moussala yazo bezalite na mokili. Engambe mameka chume sa bienvenue. Tiamo lendo kosua. Maïka Alulu. Patrick Okabande. Albert Lebanda. Namokile sengelito. Sala Koina monina te po asina vie Koboya mobola te po asanga ba moyen Usana musengili kambona motote Lukaya yo aveni José Paca La vie te combate mano baninga Sala mo sala pole sali botana yo Musala ya zobe zali tena mokili Yale yo mon PC, Claude Isekusu. Elon Ekila. Travaillons et dans la terre. Les conseillers sont pas les juges. La fortune est en travaillant. Que les riches dominent les pauvres. Travaillons et vivons la terre. Le gagne petit. À toi à la vie. C'est la complémentarité. Le riche a besoin du pauvre. Celui qui emprunte n'est pas l'esclave de celui qui prête. C'est lui qui est sage d'esprit. L'éternel ne quittera point sa demeure. Chimangaloaba, il n'y a pas de sommetier. Mon salaire est Zali, Natina Nabomo, il boit moto. Ce qui aujourd'hui fait mon solo, Kanisa Baye Bakoku Fanzala. Ya yombongo seba makate ya molato Muyutango nyonso lokolo sakana na bomwana te Musengi tata na Jilux abongisa avenir ya Giselle Ekwake ya ngeme ya motema oh oh mungu Alaji ya mama Manu premiere Pepe ya kundi Ebe ngongolo Na pista na kwasara mama Claude Biercho, le chic de Melun. Travaillons, vivons la terre, le gagne petit. À toi à la vie, c'est la complémentarité. Le riche a besoin du pauvre. Celui qui emprunte n'est pas le sable de celui qui paie. C'est lui qui est sage d'esprit. L'éternel ne quittera pas sa demeure. Yebo Kombe, Yoka Siondo, Tapeli Botanga. Yeah.